Chapitre 304. L'interdiction de consulter les augures. Dans ce chapitre peuvent s'intégrer les traditions prophétiques du chapitre précédent. 1674. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit « Ne croyez ni à la contagion, ni aux mauvais augures. Et il me plaît d'entendre le fa'al. » On demanda « Qu'est-ce que le fa'al ?» Il répondit, alayhi salatu wa salam, « C'est une bonne parole qui nous réjouit. » Al-Bukhari et Muslim. 1675. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit « Ne croyez ni à la contagion, ni au mauvais augure. Et si l'on devait tirer un mauvais présage de quelque chose, ce serait d'une maison, d'une femme ou d'un cheval. » Al-Bukhari et Muslim. 1676. D'après Buraïda, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wa salam, n'a jamais tiré un mauvais présage de quelque chose. Abu Daoud. 1677. Selon Urwa ibn Amir, radiyallahu anhu, on mentionna l'augure auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, qui dit « Le bon présage est le meilleur des augures, et que l'augure n'empêche pas un musulman d'agir. Aussi, si l'un d'entre vous voit ce qui lui déplaît, qu'il dise « Ô Seigneur, toi seul accorde le bien, et toi seul repousse le mal. Il n'y a de force qu'en toi, et de changement que par toi. » Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah.